Radiomatique. C'est sur la musique de la formation des Chacals que s'ouvrait la transmission d'Audiomatique, transmission 466 du seul album intitulé Extrañas Voces. Nous écoutions la pièce Run. Et maintenant, c'est au tour du groupe américain Bush Tetras d'assurer la continuité à Audiomatique. Thank you. nous avions droit à Audiomatic, à l'artiste américain Daniel Lopatin, qui est également connu sous le pseudonyme de 103.never, de son 10e et plus récent album Again, paru le 29 septembre 2023. Nous vous avons présenté la pièce Memories of Music. Précédemment à 103.never, c'était la formation new-yorkaise Bush Tetras, qui a été formée en 1979 et de qui on entendait la chanson Walking Out the Door, extraite de ce que l'on pourrait considérer comme étant son 4e album studio, They Live in My Head, lancé le 28 juillet 2023. Et Audiomatic se poursuit maintenant sur la musique de la formation Beak. Audiomatique, nous venons d'entendre le Moon Duo et sa pièce Cars apparaissant sur l'album Maze, paru en 2011. Avant cela, nous écoutions la formation Col Corazon et sa pièce Ram Ram, enregistré en concert en 1990. En fait, les seules pièces de cette formation ont été enregistrées en concert entre 1987 et 1990 et sont disponibles sur le disque Lo que no existe, existe, Registros de una saga post-punk en el Perú. Et on amorçait la séquence sur la musique de Beak, de qui nous entendions la pièce Pill tirée de l'album homonyme qui regroupe une série d'enregistrements réalisés entre le 5 et le 17 janvier 2009. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec une collaboration entre le groupe norvégien Elephant Nine et le guitariste suédois René Fisk. We'll be right back. C'était à Audiomatic le groupe norvégien Elephant Nine, accompagné par le guitariste suédois René Fiske, qui nous interprétait les pièces Skink et Sous le Phoenix, enregistrées en concert. On retrouve cette version sur l'album Psychedelic Backfire 2, sorti en 2019. Cette transmission d'Audiomatic se conclura sur la musique de Hidden Orchestra. De son premier album Night Walks, nous allons écouter la pièce Undergrowth. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic-cfou. Si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici pour terminer Eden Orchestra et la pièce Undergrowth. C'était Audiomatic avec les Sonoristes.